Mickaël à la radio. Fun Radio. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. C'est la journée internationale de Pierre sur Fun Radio. Journée internationale, vous le savez, bon, c'est la fin du mois de juin presque. Donc forcément la fin des examens. Et donc forcément il en reste un petit dernier pour Pierre là. Et il a quelques petits problèmes. Allô. Bonjour, je suis en période d'examen et du coup je suis constipé. Est-ce que vous auriez quelque chose? Mais écoutez, vous n'avez qu'à passer à la pharmacie, hein. Bah je vais passer, mais est-ce que au moins vous avez quelque chose pour que je fasse caca? Mais oui, monsieur. Les examens pourtant ça me fait chier, mais je suis obligé de faire caca. Bon écoutez, maintenant si vous avez besoin de quelque chose, vous passez à la pharmacie. Moi j'ai pas de temps à perdre. Bon ouais, mais moi j'ai envie de faire caca justement. Allô? Oui, ben ça me stresse le côlon. Monsieur, mais vous allez pas m'emmerder tout l'après-midi quand même. Mais ça me stresse le côlon. Passez à la pharmacie, point final. Oui, mais j'ai envie de faire caca. Il faut que je fasse caca. Allô? Oui, je vais pas rater mes examens parce que je vais pas pouvoir faire caca. Bon, monsieur, vous passez à la pharmacie. Si vous téléphonez encore une fois, je ne décroche plus. Bon, et j'espère au moins que vous aurez fait chier, hein. Ah oui, je pense que de ce côté-là, on est là, c'est ouais, ouais, je pense que ça, c'est bon, ouais. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Donnez-leur le numéro de la ligne anti-relou. 0473-86-0013. On vous passe les meilleurs messages. Exactement, tous les matins sur Fun Radio, on vous passe les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. On écoute maintenant le premier. Oui, bonjour, c'est Léopold. Voilà, Stéphane, pour avoir des nouvelles de Marcel. Est-ce qu'on peut me sonner au 0435 17. Merci. Voilà le numéro de Marcel, hein, c'est Léopold. Oui. Hein, je cherche des informations. Mais moi aussi, j'aimerais bien savoir comment il va Marcel. On aurait peut-être dû demander à Jeanne tout à l'heure qui a gagné sa facture aujourd'hui. Ah oui, oui, peut-être qu'il savait. Va savoir. Mais on sait jamais. Hein. Allez, message suivant, c'est parti, on écoute. Et bonsoir, j'ai peut-être un petit peu trop bu, je sais que t'es là, donc je pense pas que je te souhaite une bonne nuit. Allez, salut. Je pense qu'il est sous l'effet de certaines substances illicites, à mon avis. Oui, je pense surtout qu'il était très occupé. Alors, il était très occupé. Ça, c'est un autre problème, effectivement, c'est possible. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. On va jouer maintenant au Free Code Game. Et nous avons Nathalie qui est avec nous maintenant, 35 ans de Bruxelles. Salut Nat. Bonjour. Bonjour à toi aussi. Comment ça va? Salut Lou. Ça va bien, tant mieux. Alors Nathalie, tu as donc 35 ans comme je le disais. Et oh, tu travailles au service financement de chez Toyota. Ça peut intéresser l'homme qui vient d'acheter une nouvelle voiture, mais bon, comme il va l'écraser après demain, fatalement lui en donner une nouvelle, hein, un moment ou un autre. Hein. Donc ça pourrait éventuellement l'intéresser, effectivement. Bon, dis-moi Nathalie, on va jouer au Free Code Game? Oui. D'ailleurs, petit jingle. Attention, hop là. Le Free Code Game. Voilà, le Free Code Game, donc c'est tous les matins comme ça sur Fun Radio. Il faut donc choisir entre 4 séries de questions. 4 séries de questions, une série de questions la plus simple, qui est donc le petit paquet avec des petits cadeaux, le grand paquet avec des cadeaux un peu mieux, mais ça reste petit. Ensuite, le Do Room avec style un iPod Shuffle, mais questions un peu plus compliquées encore. Et puis les questions au top de la complexité, mais bien que... C'est pas la première fois qu'on gagne. Il y a des écrans plats à gagner, des tablettes numériques ou alors des smartphones. Qu'est-ce que tu choisis, Nathalie, comme série de questions? Je t'écoute. Ben, on va faire la gourmande. Je vais tenter la mitraillette. Mais oui, ah, carrément. Inconscient. Tu m'as l'air très gourmande, Nathalie. Allez, on y va, c'est parti. 5 questions. Il faut faire minimum 3 sur 5. Et si tu y arrives, c'est gagné. Sinon, tu retournes chez ta mère les mains vides. D'accord? D'accord. Allez, voilà, on y va. C'est parti, Nathalie, il faut répondre du tac au tac. C'est parti. De quelle couleur est l'oiseau de Twitter? Non. Vite. Bleu. Bleu, bonne réponse. De quel pays est originaire le yaourt? La France? Non, la Bulgarie. Selon dommage. L'expression, rien ne sert de courir, il faut... Partir à temps? Non, à point. Il faut partir à point. Et oui. De quelle couleur... Il faut plus tromper. Hein. De quelle couleur est le sous-marin des Beatles? Jaune. Yes, yellow, jaune, bonne réponse. Et enfin, quel est le plus petit état d'Europe? Le Liechtenstein? Non, le Vatican, malheureusement. Ah, wow. Sur le fil, là, là, là, là, là, là, là, là. Dommage. Eh ben, c'est perdu, malheureusement, Nathalie. Eh ben, oui. Eh ben, ça arrive, même au meilleur, comme quoi tu peux le remarquer. Là, là. Eh bah tant pis. Bon bah Nathalie, je te fais quand même plein de bisous. Et puis tu reviens bah, quand tu veux sur Fun, d'accord? Ok, super. Je t'embrasse, à bientôt. Salut. Salut, salut. Ciao Nathalie, bye bye. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio.